Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute Alour, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau. Salut Michel! Michel, hier, j'ai fait une entrevue très intéressante hier avec Louis Aubin, qui est le grand patron du golf. Ben, pas le grand patron, mais c'est le responsable du golf dans la région. Il est arrivé avec des affaires quand même très intéressantes. Lui, il mentionne que je sais pas si vous observez ça à Chibougamau, il mentionne que c'est une année exceptionnelle. Pas les membres, mais dans certains des clubs de golf, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui maintenant... cette année, qui ont décidé d'y aller avec un green fee. Donc, et c'est ça qui fait en sorte que les clubs de golf vont connaître une bonne année. Est-ce que c'est ça? C'est évident que la température amène beaucoup de clients, principalement dans les gros centres, près des attractions touristiques. Donc, tout ce qui circule autour du lac Saint-Jean amène une clientèle supplémentaire. Et le golf, comme beaucoup d'autres activités, plus il fait beau, plus les gens sont enclins à venir participer. Donc, à ce niveau-là, peut collaborer ces affirmations, oui. OK. Donc, c'est intéressant. Et il mentionne aussi que c'est depuis 15 ans, que depuis 15-20 ans, il y a autant de golfeurs qu'avant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans beaucoup de clubs. Okay. La grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui promènent d'un club à un autre. Ils se jouent, je dirais, sensiblement le même nombre de parties, mais beaucoup moins de parties comme membres de club. Le sentiment d'appartenance, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de clubs, exemple, au Saguenay, il est beaucoup moins fort qu'il était il y a 15 ans. OK. Des gros clubs au Saguenay, il y a 15 ans, avaient des listes d'attente pour être membre. Okay. Alors que c'est dans ces années-ci, les gens courent. Et puis il y a des spéciaux, puis venez chez nous, puis ils refusent pas personne. Mais ils jouent à la partie, là. OK. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a autant de gars. Donc, c'est intéressant. Donc, j'invite les gens de la région de Chibougamau à aller écouter cette entrevue-là. Ça en dit long sur le golf. C'est vraiment très intéressant. On va se parler maintenant de ce qui se passe dans la belle région de Chibougamau. D'abord, il pleut un maudit ce matin. Est-ce que c'est la même affaire chez vous? Non. Une petite bruine, mais ça a arrêté nous. On a eu une grosse orage hier. 11 heures. Okay. Une bonne partie de la nuit, mais chez nous, au matin, c'est beau. D'ailleurs, je voyais sur Facebook le club Saint-Édéon qui est fermé jusqu'à 1h okay. À cause des pluies torrentielles d'hier. Okay. Mais chez nous, non. C'est bon, c'est nuageux. Il annonce un peu d'orange, mais sinon, c'est le beau temps. Il va revenir, hein? OK. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je pense qu'il y a un tournoi à Calcutta, que j'ai vu ça sur les médias sociaux, c'est ça? Oui, disons, chez nous, c'est la grosse activité de l'été. 85 joueurs pour le Super Calcutta, UR et compagnie. OK. On a fait le tirage des équipes hier. Il y avait 50 personnes de présentes. Ça commence à partir de dimanche. Ça va jouer toute la semaine. Et ça se clôture samedi pour la dernière ronde de toutes les équipes. Ça sera suivi après ça, un banquet de clôture et une soirée récréative. OK. Donc, on va surveiller ça, évidemment. Donc, c'est vous attendez, évidemment, à avoir le même nombre d'inscriptions que d'habitude, c'est ça? On a 5 joueurs de plus que les années dernières. OK. Donc, on a 17 17 équipes de 5 joueurs. On est très, très contents. 145 membres adultes, 85 qui jouent ce tournoi-là. Mmh. Chez nous, c'est un gros succès. OK, OK. Puis, Pierre-Luc, il se passe quoi dans son cas? Je sais pas. D'après moi, là, il doit être en préparation. Il y a plusieurs gros tournois au Québec dans les prochaines semaines. OK, OK. Donc, on va suivre ça de très, très près dans son cas également. Ben, on va souhaiter la meilleure des chances, Michel. On se reparle jeudi prochain à la chronique. Toujours un plaisir. Voilà, donc c'était la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Allemand.